Parce que la sensualité, ça fait appel aux sens. À nos cinq sens. Là. Bon, c'est la fin du dictionnaire. C'est ce qui nous garde jeune. La sensualité, c'est la sensibilité des corps éthériques. Mais d'ailleurs, on doit en vivre certainement. La sensualité, c'est pas être un homme et une femme. Ça peut être un homme. Moi, je la vis, la sensualité est mélangée avec de l'amour intérieur, avec Croteau. Des fois, j'y mets la tête, la main ici, là. C'est comme si je l'aime tellement, là, ça devient de la sensualité. Ben, c'est son corps éthérique avec mon corps éthérique. Je tiens toujours de tes corps le plus bas pour exprimer le plus haut. Ouais, exactement. Ou des fois, je vais pincer les joues. Ça, c'est de la sensualité. Mais qui fait partie d'une affection, qui fait partie de l'amour, et ainsi de suite. Ça va loin, l'affaire. D'ailleurs, la sensualité, c'est toujours bien avec cette personne-là. Tout le temps. Ouais. Tu as amené à un vibratoire. Ouais. C'est pourtant bien. C'est harmonieux. Ouais. C'est pas pourquoi, mais tout ça. Ouais. La sensualité, parce que c'est ça le mot de sensualité, hein, en anglais, dans le sens du jeu de la personnalité. Jeu de lui personnalité. Donc pourquoi tu envoies sensualité dans le jeu de la personne envers la personne? Quoi, mais quand elle dit que la sensualité, c'est. Quand elle dit que la sensualité, c'est le résultat de la sensibilité des deux, de deux corps éthériques. La séduction. La séduction. Ouais. C'est une game d'ego. C'est une game de l'ego, de deux égos. Ouais. Quand tu n'en as pas, elle te parle tout de suite. Ouais. Tu n'en as pas. Ouais. Mais il est possible que nous autres, quand même, on vit des expériences, même en vivant une conscience, avec des gens qui sont inconscients, comme pour balancer des affaires. Oui. Comme si, de la même façon, tu peux avoir un rêve avec moi. On va en faire plus de merde. Dans la séduction, il y a toujours le jeu de la loi d'impression. Dans la séduction, c'est la loi d'impression. Définitivement. Ouais. Parce que dans la sensualité dont je parle, c'est pas une loi d'impression, c'est une loi de contact entre deux corps. Style.